Bonsoir. Dans Autant n'importe l'histoire aujourd'hui, Molière et l'affaire du Tartuffe. En 1664, tout semble sourire à Molière. À 42 ans, il vient d'épouser la belle Armande Béjart. Ses pièces, Les Précieuses Ridicules, L'École des Maris, L'École des Femmes sont tous des succès. Et le soutien du jeune roi Louis XIV semble sans limite. Pourtant, lorsque le 12 mai à Versailles, il donne sa nouvelle pièce, Tartuffe, la vie de Molière va basculer. Tartuffe, l'histoire d'un hypocrite qui, au nom de Dieu, s'immisce dans une famille et prétend lui imposer sa loi. L'histoire aussi d'un père de famille aveuglé par sa foi. Mais en ce XVIIe siècle, et aujourd'hui hélas encore, il est des vérités qu'il est sacrilège de montrer du doigt et dont par-dessus tout on ne saurait rire. La colère de l'Église va être impitoyable. Molière, le roturier, le valet, le battleur, va le découvrir à ses dépens et se lancer dans un combat acharné pour défendre sa pièce. L'affaire du Tartuffe, l'exemple éclatant du conflit qui peut opposer le pouvoir politique et religieux à la liberté d'un artiste, mais aussi au bon sens du public. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Georges Forestier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur à la Sorbonne, spécialiste du théâtre français du XVIIe siècle, et vous avez publié il y a quelques mois chez Gallimard une biographie de Molière qui, on le sait déjà, va faire date. Une biographie qui, vous l'écrivez, fait table rase des mythes sur Molière. Alors, ça veut dire qu'au XXIe siècle, tout n'a pas encore été dit sur Molière? Mais surtout qu'on répète des choses fausses depuis le XVIIIe siècle, c'est-à-dire depuis 40 ans après la mort de Molière, il y a des anecdotes qui ont commencé à fleurir. Et on vit sur ces anecdotes depuis tout ce temps-là. Alors pour bien prendre la mesure de cette affaire Tartuffe, qui va occuper Molière pendant plusieurs années et durement, et aussi faire date dans l'histoire de France, je pense qu'on peut le dire, pouvez-vous, Georges Forestier, nous rappeler qui est Molière en 1664, justement? Molière, 1664, c'est déjà... Il a commencé à être une star depuis 2-3 ans déjà. Il a tous les regards des gens qui comptent à cette époque-là, c'est-à-dire l'aristocratie de la ville, la haute bourgeoisie et l'aristocratie de la cour sont tournés vers lui. Le roi qui l'a pris sous sa protection, alors même que sa troupe, la troupe de Molière, c'est celle de Monsieur Frère Unique du roi. Et en fait, le roi fait plus souvent jouer la troupe de Molière et Molière donc, que sa propre troupe qui s'appelle la troupe des comédiens du roi. Il faut rappeler aussi qu'il est comédien et auteur. Oui, il a commencé par être comédien. À la différence de tous les autres auteurs de sa génération qui étaient des avocats, qui faisaient de la poésie et du théâtre, lui, il a commencé à chercher à faire des études d'avocat, puis il a tout quitté pour faire du théâtre. Et il a commencé, quand je dis faire du théâtre, c'est vraiment faire par la pratique du théâtre. Et c'est seulement après... Au fur et à mesure qu'on lui a demandé des petites pièces pour aiguiser la concurrence avec les troupes concurrentes, une petite pièce à lui, puis une pièce un peu plus importante, et c'est comme ça qu'il est devenu auteur. Et c'est lui qui met en scène ? À l'époque, au XVIIe siècle, il n'y a pas de véritable mise en scène. Il y a un placement on est face au public, on joue en frontal, on déclame. Donc la notion de mise en scène, comme aujourd'hui, où il y a quelqu'un qui vient pour dire « j'ai cette lecture-là de la pièce », ça n'existait pas du tout à l'époque. Mais c'est le premier à avoir... placer ses acteurs et avoir fait obéir ses acteurs à ses indications beaucoup mieux que les autres auteurs. Et déjà, à cette époque, il s'empare de sujets de société de son époque, du moment où il vit pour ses pièces. C'est la révolution de Molière. C'est-à-dire que jusqu'alors, on avait des comédies qui étaient schématiques sur le style fourbré de Scapin. De Molière, mais en fait, il est revenu à une vieille manière. Lui, il invente ce qu'on peut appeler l'humour moderne, c'est-à-dire faire rire des comportements de ses contemporains. Sauf qu'à la différence des humoristes de notre temps, qui généralement ont du mal à faire des films, ils font de très bons sketchs, mais ils ont du mal à passer au film, lui, il a tout de suite conçu ça à l'intérieur des pièces de théâtre, et donc dans laquelle les contemporains ont eu l'impression de découvrir leur monde. C'est pour ça que très rapidement, il a été surnommé le peintre. Le peintre. Oui, le peintre, parce qu'il était celui qui montrait au vrai, si je puis dire, le comportement des hommes, et les hommes faisaient reconnaître les gens de son siècle. Voilà une des expressions qu'on retrouvait de son temps. Et la France de 1664, elle est gouvernée par Louis XIV, un roi donc très jeune qui entend régner seul. C'est ça qui le caractérise. Oui, mais c'est surtout un roi festif qui a pas encore commencé ses guerres, amoureux de nombreuses femmes et d'une femme régulière, c'est la Vallière à ce moment-là, alors qu'il est marié, bien sûr. Marie-Thérèse. Et du coup, autour de lui, enfin l'Église, les prêtres en chair, bien souvent dénonce le péché de l'adultère. Et c'est une des raisons pour lesquelles XIV est un peu excédé par ces reproches-là. Voilà. Et la situation religieuse de la France à ce moment-là ? Alors, la situation religieuse, elle est un peu compliquée parce qu'il y a ce qu'on appelle un schisme qui est le schisme janséniste. Et que Louis XIV veut faire rendre gorge aux jansénistes. C'est-à-dire ceux qui considèrent que la grâce donnée par Dieu est telle qu'on ne sait pas si on l'a ou si on l'a pas, et qu'on ne peut pas faire nous-mêmes notre salut. À la différence de Rome, le pape, les jésuites disent que, à force de vertu, on peut faire son salut. Et donc, ce déchirement qui traverse l'Église de France et l'Église européenne, mais surtout l'Église de France, est tel que Louis XIV veut faire réduire ce qu'il appelle une secte, et ce que Mazarin, son précepteur, en quelque sorte, lui a toujours présenté comme une secte. Et c'est juste une semaine avant le Tartuffe que Louis XIV demande à l'archevêque de Paris de faire signer par tous les ecclésiastiques de son ressort un formulaire en 5 propositions, dans lesquelles les 5 propositions disent le livre de Jansénius, celui qui va donner son nom à Jansénisme, voilà, et sont hérétiques. Et donc, soit il faut signer, et si on signe pas, on se désigne soi-même comme janséniste. C'est une semaine avant la création du Tartuffe, c'est très important. Mais si je comprends bien, au sein même de l'Église, il y a aussi ce qu'on appelle des courants de dévotion, les dévots. Bien sûr. Alors, les dévots, c'est la réplique française au puritanisme protestant. Ça a été inventé par la contre-réforme au XVIe siècle. Et donc, ça veut dire essayer de vivre en Dieu, mais dans le monde. Non pas se retirer du monde dans un couvent, etc. Rester dans le monde, mais vivre en Dieu. Et donc, pratiquer une religiosité constante, prosélyte, et surtout, c'est très important pour comprendre le Tartuffe, avoir un directeur de conscience qui va guider le dévot vers son salut. Georges Forestier, on se retrouve, si vous le voulez bien, dans une trentaine de minutes. Tout de suite, Molière et l'affaire du Tartuffe, un texte de Christine Spianti, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. Réalisation Cédric Ossire. Quelle chaleur sur scène. Il fait plus frais en coulisses. Ah, ce dévot raisonneur est malin. Le roi va-t-il apprécier? En tout cas, je l'ai vu. Il a bien ri quand Tartuffe chantait les louanges de l'adultère à la femme de son hôte. Ah, c'est pas simple de faire rire un roi. Chaque fois, j'en tremble. Mais qu'est-ce que... Oh, la grange. La grange perd à moitié sa perruque. Il est trop vif, l'animal. Et voilà qui sait plus quoi dire. Ses yeux s'agrandissent. Heureusement, Madeleine est là. Quoi, déjà les dernières répliques? Mais le texte a rétréci d'un quart. Ah ça, le souffleur n'a pas baillé ce soir. Rideau. À toi de jouer, Molière. Tout Versailles attend que tu salues le roi. Avant de m'incliner, j'ai vu ses yeux briller. Va-t-il applaudir? C'est fait. Il m'a fait signe d'approcher. 12 mai 1664 à Versailles. Ce soir, Molière vient de jouer pour la première fois Tartuffe ou l'Hypocrite, sa dernière pièce. Molière, mince, un port de tête altier, des cheveux très noirs, est l'acteur préféré de Louis XIV. Le roi donne sa première grande fête versaillaise, la fête des plaisirs de l'île enchantée, dédiée à l'amour, au plaisir et à l'intelligence. Au cours de la semaine, les 600 invités ont vu se succéder un défilé équestre, des concerts de Lully, un feu d'artifice fabuleux et une dizaine de comédies de Molière. La représentation du Tartuffe a lieu devant un cercle plus restreint, mais elle fera date dans l'histoire du théâtre. Après s'être entretenu avec le roi, Molière se dirige vers les écuries où les loges de la troupe sont installées. Quelle splendeur! Tout rayonne de jeunesse et d'amour. Ce roi si jeune, si beau. Versailles est son miroir. C'était un modeste relais de chasse. Plâtrier, paveur, plombier, charpentier en ont fait un palais à la gloire de Louis XIV dans le monde. Et moi, pour mon plus grand bonheur, me voilà pareillement applaudi. Oh, ces rires. Je me sens heureux comme jamais. Là, j'ai failli me retrouver les 4 fers en l'air. Le parquet du grand salon, ça glisse. Oh, la grange délace ma robe, veux-tu? Je n'arrive pas à me rentrer mon rôle. Si tu ne m'avais pas sauvé la réplique... Attention les rubans. Non mais on n'en peut plus, voilà. La parade, la princesse des Lides, le Tartuffe. 6 jours que ça dure. Molière? Quelle drôle de tête. Regarde-moi un peu sans rire. J'ai l'air de plaisanter. Que se passe-t-il? Le roi n'a pas aimé Tartuffe? Ah, sans pistole qu'il se moque de nous. Sans pistole? Content? Content. Je vous ai mis à rouler, hein. Le roi est de la meilleure humeur. Ah, selon lui, j'ai le don de représenter les ridicules avec naturel. Et grâce à moi, figurez-vous, toute l'Europe dit qu'on se divertit fort bien à Versailles. Et là-dessus, il m'a donné 2000 livres. Je vais les mettre dans la caisse. Lagrange, toujours les pieds sur terre. Non, cet argent est à lui. On partage tout sans exception. Molière est acteur et auteur, il fait exception. D'accord. Vive le Tartuffe. Il y a du travail, hein. Vous ne savez pas vos rôles. Pour toi, Molière, c'est facile. Tartuffe, c'est toi qui l'as écrit. Veux-tu que je te dise? La prochaine fois, écris une pièce pour toi tout seul. Il a raison, on n'était pas prêt. Quand le roi ordonne, il faut profiter de l'aubaine. On s'en est mal acquitté? Au moins, on a obéi vite. Tu es au comble de la gloire, Molière, j'en suis bien heureuse. Mais ça m'épuise. Dire que demain, il faut encore jouer le mariage forcé. Et le soir même, repartir pour Paris. J'aime pas voyager de nuit. Molière tient son succès de ce qu'il fait rire en s'emparant des sujets de société. À cette époque, des dévots ont envahi certaines familles nobles et bourgeoises aux fins de diriger les consciences. Parmi eux, certains extrémistes suscitent des critiques. Molière fait mouche en faisant de son Tartuffe un dévot hypocrite et cupide qui, au nom de la religion, use de son ascendant spirituel sur un père de famille pour lui prendre sa femme, sa maison et sa fortune. Mais si Louis XIV et les libertins de cour ont beaucoup ri de Tartuffe, au sein de l'Église, il n'en est pas de même. Molière l'ignore, mais alors qu'il célèbre son succès dans les jardins de Versailles, la contre-attaque en sous-main s'organise. En ce soir de mai sur l'île de la Cité à Paris, un homme vêtu du manteau de magistrat pénètre dans la cour du presbytère de l'église Saint-Barthélemy, d'où surgit le père Roulet. Ah, monsieur le premier président de la Moignon, il a osé. Quelle agitation, mon père, qu'y a-t-il? On court toute la journée, on réprime les mauvaises mœurs, on fait tout le bien possible, et le soir, cette terrible nouvelle. Molière a joué Tartuffe à Versailles, et le roi a ri. Tartuffe? Ah, oui, cette comédie. En tant que président du Parlement de Paris, premier magistrat de la capitale, vous savez ce que le théâtre a de condamnable. Certes, mais à ce jour, aucune plainte n'a jamais été déposée contre lui. Le théâtre est un divertissement pernicieux. Maléfique. Il s'évertue à échauffer nos passions, nous réveiller quand nous sommes assoupis, nous rallumer quand nous sommes éteints. Que d'exaltation, mon père! Il s'agit de sauver des âmes. Les comédiens se livrent à la profanation avec mimique et déclamation. Quant aux comédiennes, elles se parent, s'offrent au désir par d'insondables décolletés et cherchent à faire rire, se jouant des pudeurs de leur sexe. Et le public, il rit. Mon père, je ne peux trop m'attarder. Le Moignon, ce Tartuffe est l'occasion unique de montrer que nous sommes les chevaliers de Dieu. Quoi, vous comptez l'attaquer? Mais le roi apprécie fort la pièce. Il y a des princes de sang que la pièce révulse. Le prince de Conti? Et la reine mère. Molière va se défendre. Il est très habile à faire parler de lui. Il ne faut pas lui donner tant d'importance. Ne voyez-vous pas que sous couvert de condamner la fausse dévotion, sa comédie jette le soupçon sur tous les croyants pieux et sincères? Tartuffe est un attentat sacrilège! Molière et toute la nation revendiquent le droit de rire de tout au nom de la liberté. Vous n'y pouvez rien, mon père. Y a-t-il donc plus de censeur? Ce Molière, il faut le briser. Ah, ça se présente fort bien. On ne parle que du Tartuffe. On veut absolument le voir. Si on veut faire venir quelqu'un d'influent chez soi, on ne dit pas il y aura 14 bouteilles de vin vieux, mais venez, nous parlerons de Tartuffe. C'est au roi que je dois ce vent favorable. Au milieu des festivités entre la loterie et la ménagerie, mon Tartuffe est venu très à propos. 3 jours qu'il s'affichait à Versailles avec sa jolie Louise de la Vallière. Ma comédie a fait taire les remontrances. Ils avaient tous peur de se ridiculiser, comme mon Tartuffe. Je suis ravi. Rire de ceux qui haïssent l'humanité, c'est servir les gens raisonnables. Avec tout ce bruit, j'en suis sûr, Tartuffe sera mon plus beau triomphe. Le 14 mai 1664, Molière s'apprête à jouer la première de Tartuffe en son théâtre du Palais Royal devant ce public parisien de l'aristocratie et de la haute bourgeoisie que la troupe connaît bien. Il y a presque 20 ans qu'elle s'est constituée. Madeleine, comédienne de grand talent, était alors chef de la troupe des Béjart. Elle rencontre Molière. Les deux amants créent l'illustre théâtre qu'ils dirigent ensemble. À l'époque, Madeleine avait une fille, Armande, née d'une liaison avec le comte de Modène. Placée dans une institution, Armande est ensuite revenue vivre avec sa mère à Paris. 2 ans avant le Tartuffe, Molière l'a épousée. De 20 ans sa cadette, elle vient de lui donner un fils, Louis. Baptisé en février, Louis a le roi pour parrain. Molière est un homme comblé, trop aux yeux de certains. Ah mon Dieu, je vous prie. Avant que de parler, prenez-moi ce mouchoir. Oh, mais voilà l'autre qui fait son harpagon. Lagrange, tu es dans la lune, on répète là. 216 partagé en 12, 268 livres. Ah, c'est ce que je pensais. On peut s'offrir un poil de plus. Eh, doucement, le bois coûte cher. 100 livres, j'ai fait le calcul. Pour un hiver ? C'est bon ? Va pour le poil ? Je sais fort bien mon rôle, hein, mais ma réplique est en retard. Je vais acheter la gazette, il fait soleil. Reprenons. Ah, mon Dieu. Ah, mon Dieu, je vous prie. Avant que de parler, prenez-moi ce mouchoir. Comment ? Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées. Et cela fait venir de coupables pensées. Vous êtes donc bien tendre à la tentation. Et la chair sur vos sens fait grande impression. Certes, je ne sais pas quelle chaleur vous monte, mais à convoiter, moi, je ne suis pas si prompte. Et je vous verrai nu du haut jusqu'en bas que toute votre peau ne me tenterait pas. Tu sais qui me fait penser ton Tartuffe ? Au prince de Conti. Ah. Tu te souviens ? Nous étions sa troupe. Il adorait le théâtre et d'un coup, il est devenu le plus strict des dévots. Il a publié un traité contre les comédiens. Des païens, selon lui. Ah, les fraîchement convertis sont les pires. Pourtant, nous, les comédiens, nous faisons Pâques. Nous baptisons nos enfants. Nous aimerions quitter cette terre religieusement, comme tout le monde. Molière. Je n'arrive pas à parler tellement j'ai la gorge serrée. Calme-toi. La gazette. Regarde. Une bonne nouvelle ? Sa Majesté ordonne que les bulles du pape condamnant les propositions jansénistes soient publiées. Rien qui nous concerne. Plus loin. Cet édit montre combien ce grand monarque veut éviter toute division dans l'Église, comme il le fait voir aussi par la défense qu'il a faite de représenter Tartuffe. Quoi ? Tartuffe ? Tartuffe. Que Sa Majesté juge injurieuse à la religion et capable de produire de dangereux effets ? Molière, qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas. Il y a 5 jours, il riait aux éclats en regardant Tartuffe. Mais qui est derrière tout ça ? Aucune idée. Je dois le voir. Si c'est confirmé, quel désastre. Et tu sais où tu vas ? Le roi a quitté Versailles. Il est à Fontainebleau. Je ne comprends rien. Ce n'est peut-être qu'un report. Seigneur, faites qu'il ait gain de cause. Comment ? Les marquis, les précieuses, les médecins, tous se sont amusés de se voir dans mes comédies. Et les dévots, eux, font tout un scandale ? Avec leurs grimaces étudiées, leurs sophistiques, qu'ont-ils fait pour obtenir cette interdiction ? Ah, les friponneries de ces faux monnayeurs en religion ! Quand je pense au roi, je l'entends encore dire « Je ne ferai pas mes dévotions à Pentecôte, car je ne veux pas faire l'hypocrite comme mon frère. Lui va à confesse juste pour plaire à notre mère. » Qui est derrière tout ça ? La compagnie du Saint-Sacrement ? Impossible, elle est anéantie. Alors qui ? La reine-mère ? Peu probable. Reste l'archevêque de Paris. Le roi s'en remet à lui pour les questions religieuses. Il se serait laissé persuader. Le 20 mai 1664, Molière file sur la route de Fontainebleau. Il a de bonnes raisons de soupçonner l'archevêque de Paris, l'ancien précepteur de Louis XIV. Acharné dans sa lutte contre les jansénistes, un courant religieux rigoriste considéré comme hérétique, il vient de faire avancer sa cause. Un édit royal, publié 3 jours plus tôt, contraint les jansénistes à renier leur doctrine. L'Église de France est en passe enfin de retrouver son unité. L'archevêque, craignant qu'elle ne se divise à nouveau à propos du Tartuffe, a réclamé au roi de la fermeté. On ne pouvait, d'un côté, demander aux jansénistes de se soumettre à l'Église et de l'autre, permettre à Molière de la railler. Au moment où Molière, à Fontainebleau, plaide la cause de sa comédie devant le roi, à Paris, Lamoignon, le président du Parlement, sort de la messe à l'église Saint-Barthélemy. Nous triomphons. Moi aussi, je suis satisfait, mon père. L'archevêque a réussi à faire plier les jansénistes. À bientôt. Et aussi convaincu le roi d'interdire Tartuffe, de déchirer Tartuffe, d'étouffer Molière. Ah, le bon roi. Je crois plutôt qu'il y a là-dessous quelques motifs politiques liés aux jansénistes. Mon père, j'ai une audience au Parlement. Attendez. Écoutez ce que j'ai écrit au roi pour l'en remercier. Molière. Un homme, ou plutôt un démon vêtu de chair, le plus libertin qui fut jamais, a eu assez d'impiété pour faire sortir de son esprit diabolique une pièce qui tourne en dérision toute l'Église, au mépris de la fonction la plus divine, qui est la direction des âmes et des familles par de sages conducteurs. Un démon vêtu de chair, vous parlez de Molière ? Pour expier un crime qui allait ruiner la religion catholique. Il méritait un supplice exemplaire et public, le feu même, avant-coureur de celui de l'enfer. Le bûcher, pour Molière. Comme vous y allez. Il est l'heure. Toute cette nation pourrie, nous allons la purger du vice exécrable du théâtre. Au bûcher, les libertins, les protestants, les prostituées, les fous et les miséreux, à la geôle. Proscrit enfin les carnavals et le tabac, les associations d'ouvriers. Calmez-vous. Et ne vous réjouissez pas trop, mon père. Louis a défendu de représenter la pièce dans l'immédiat. Ah, le pauvre. Attention, la moignon à cheval. 2 heures que je galope depuis Fontainebleau. Le roi assure qu'il me sait innocent de toute mauvaise intention, mais il confirme l'interdiction. Pas un mot sur les motifs. J'ai eu beau lui répéter que j'avais tout fait pour distinguer les vrais dévots et ne pas confondre le vice et la vertu, rien n'y a fait. Quel cauchemar. Ah, mais je dois tenir bon. Je défendrai Tartuffe. On verra qui gagnera. Le roi avait l'air, je ne sais, contrarié. Cela adoucit un peu mon malheur. Ah, pour ça, le coup est rude. Et il va falloir l'annoncer à la troupe maintenant. On ne jouera pas, Madeleine. Ma pauvre comédie. C'est ce qu'il a dit. Le roi s'allie au censeur. Je ne sais pourquoi. Me dit archevêque de Paris, j'en suis sûr, c'est lui le chef de la cabale. Si c'est pas lui, je comprends rien. Abandonne Tartuffe. Écris une tragédie. Faire taire le rire. Hors de question. Ce serait comme se mutiler de l'intelligence. Quoi ? Toujours dénoncer les travers de tes contemporains. Laisse-les faire ! Qu'importe, tu vivras en paix. À voir vos têtes, le roi n'a pas cédé. C'est l'été. Faisons relâche. Va te mettre au vert à Auteuil. Où en sont les caisses ? On tiendra jusqu'en septembre. Mais on ne peut pas rester fermé indéfiniment, il faut manger. Il y a peut-être un moyen. Les prélats du pape sont à Paris. Si j'obtiens leur approbation... C'est comme si c'était le pape lui-même. Eh bien, va ! Qu'est-ce que tu attends ? Oui, je crains... Mais courage ! Va voir ces prélats ! Profitant de la venue des envoyés du pape à Paris, Molière réussit à leur donner une lecture du Tartuffe. Les prélats rient de bon cœur, mais rien n'y fait, l'interdiction est maintenue sans autre explication. Molière est découragé. On rouvre le théâtre avec l'école des Maris, les recettes chutent, le public réclame Tartuffe. Il y a urgence à le faire autoriser. Molière s'attelle immédiatement à remanier sa pièce. Je n'ai pas dit mon dernier mot. On m'a dit d'attendre près de cette fontaine. 3 ans. 3 ans que je me bats pour Tartuffe contre des adversaires insaisissables. Et voilà qu'aujourd'hui le roi me fait venir à Saint-Cloud avec ma nouvelle version du Tartuffe. J'ai fait de mon hypocrite un imposteur qui se fait passer pour un dévot. Un aventurier, en somme. Et à la fin, un officier du roi met l'escroc en prison. C'est toujours aussi farce, mais la dévotion n'y est plus mêlée. Cette fois, j'ai bon espoir que le roi... Le voilà. 16 juillet 1667. Molière a été convoqué au château de Saint-Cloud où le roi fait une visite éclair à la reine avant de retourner sur le front. La France est en guerre contre l'Espagne. Ces dernières années, Molière, père pour la seconde fois d'une petite fille, a obtenu un succès avec sa nouvelle pièce, Don Juan. Lagrange y joue le rôle d'un libertin qui tombe sous le coup du châtiment divin. En attaquant l'athéisme, Molière s'innocente du même coup de vouloir caricaturer la religion. Le roi l'a si bien apprécié que la troupe est nommée « Troupe du roi », avec 12 000 livres de pension. Puis, ce fut le triomphe du misanthrope. Mais Molière n'a jamais abandonné l'idée de faire jouer Tartuffe. Ce jour d'été 1667, il fait lecture au roi de sa nouvelle version. Le soir même, il rentre à Paris. Oh, quel Quelle chaleur étouffante. Madeleine, on joue. On joue Tartuffe. Encore un coup de théâtre ? Comment expliquer ce revirement ? Je ne sais pas. Il m'a parlé de la guerre. De son devoir de roi qui lui impose de la faire et de risquer la gloire ou la mort. Et que même s'il meurt, l'État demeurera. Il était bien sombre, dis-moi. Oui, mais la nouvelle version de Tartuffe a réussi à le dérider. Et d'un sourire, il a balayé 3 ans de querelle en disant « Je l'autorise ». Il est vrai que comparé à la guerre, nos batailles de théâtre sont bien futiles. Et s'il n'en revenait pas, Madeleine ? Il en reviendra. Bon, alors, cette première de Tartuffe, quand est-ce qu'on la fait ? Dans 15 jours ? Ça vous va ? Comme elle le sait pour rien contre nous échauffer. Et que de son Tartuffe, elle paraît coiffée. Pas vraiment. Tout cela n'est rien au prix du fils. Mais il est devenu comme un homme hébété depuis que de Tartuffe, on le voit entêté. C'est de tous ses secrets l'unique confident. Et de ses actions, le directeur prudent. Il le choie. Il l'embrasse. Et pour une maîtresse, on ne saurait, je pense, avoir plus de tendresse. À table, au plus haut bout, il veut qu'il soit assis. Avec joie, il l'y voit manger, autant que si. Les bons morceaux de tout, il fait qu'on les lui cède. Et s'il vient à rôter, il lui dit « Dieu vous aide ». Ses moindres actions lui semblent des miracles, et tous les mots qu'il dit sont pour lui des oracles. Il s'amuse, et ça m'enchante. Tartuffe, à Paris. Enfin ! La rumeur s'est répandue en une heure. Quoi ? On donne au Palais Royal une grande comédie de Molière ? Ah bon ? Laquelle ? Celle qui fait scandale depuis 3 ans, vous voyez ? Non, le Tartuffe ! Et tout Paris s'est précipité. Ah, les entendre rire aux éclats. Les censeurs. Ce rire est ma revanche. C'est à moi. Laurent, serrez ma haie avec ma discipline. Et priez que toujours le ciel vous illumine. Si l'on vient pour me voir, je vais aux prisonniers des aumônes que j'ai partagé les deniers. Que d'affectation et de forfanterie. Vendredi 5 août 1667, 2h de l'après-midi. C'est la première de l'imposteur, nouveau titre du Tartuffe, au théâtre du Palais Royal. Il fait sale comble, même si les bourgeois parisiens sont en villégiature et tous les officiers à la guerre. La comédie triomphe. 1882, 88, 1890 livres de recettes. Et ce n'est que le premier jour. Mais à quelques rues de là, au même moment, dans un couloir du Parlement de Paris, le curé de Saint-Barthélemy a rejoint le président Lamoignon. Comment est-ce possible ? Tranquillisez-vous, mon père. Me tranquilliser quand ce maudit Molière joue Tartuffe devant tout Paris ? Le roi l'y a autorisé, à ce qu'il dit. Le roi est à la guerre. Il l'a vu à Saint-Cloud il y a 2 semaines. Oh, c'est un démon. Il faut le briser. Le briser. En l'absence du roi qui est à la guerre, j'ai toute autorité. Je le laisse enfreindre l'interdiction aujourd'hui. Mais demain... Cher Lamoignon, soyez béni. Qu'allez-vous faire ? La loi imposera une riposte immédiate. À la surprise générale, le 6 août, lendemain de la première, Lamoignon fait savoir par huissier que l'interdiction de 1664 n'ayant pas été officiellement révoquée, Tartuffe reste interdit de représentation à Paris. Tôt le matin, des soldats barrent l'entrée du théâtre. Il est 11h. Si j'arrive à pincer Lamoignon, on joue à 2h. Tout Paris savait que la représentation avait lieu hier. Lamoignon ne se laisse jamais surprendre, il a des mouches partout. Il nous a laissé jouer hier et aujourd'hui, il interdit Tartuffe. De sa propre autorité ou sur ordre du roi. C'est ce qui m'inquiète. Mais qui je vois là au coin de la rue ? Ce bon curé de Saint-Barthélemy. Alors, mon père ? Comme ça, il paraît que vous voulez me brûler vif. Je n'ai pas peur de vous. Ah bon ? Pourtant, je suis un démon vêtu de chair, d'après toi. J'ai juste voulu vous avertir. Vous vous damnez à tourner la sainteté en dérision pour faire rire les libertins. C'est de Tartuffe que tu parles ? Mais tu ne l'as pas vu. Ah, pitié ! Je savais chafouin et te voilà trouillard. Tu commences à me plaire, toi. Laissez-moi. Dieu, mes témoins. Oh, ça, on est plus hardi à écrire sur le dos des gens, hein ? J'ai de la chance que j'ai déjà pas mal d'ennuis, allez va. Je suis pressé. Regardez-le fuir avec ses mollets de coq. Le fanatique. Et à présent, me voilà forcé d'implorer le Parlement de Paris. Et s'il ne veut pas me recevoir, C'est lui là-bas. Oui. Il s'en va. Président Lamoignon. Ah, monsieur de Molière. Je m'attendais à vous voir paraître, mais sur l'instant, voilà qui tombe mal, j'ai fort peu de temps. C'est à propos de mon innocente comédie. Vous êtes un acteur excellent et un homme qui fait honneur à la France. Votre comédie est fort belle et fort instructive. Pardon ? Je ne m'attendais pas à... Il se trouve que le roi a oublié de lever officiellement l'interdiction du Tartuffe. Comprenez que sans acte écrit, vous ne pouvez jouer. Mais je... Il me l'a dit. Nous réglerons cela à son retour. Voulez-vous ? Il est midi. Je vais manquer la messe si je tarde. Monsieur. Deux heures au clocher de Saint-Germain-l'Auxerrois. La nuit est bien avancée. Alors le Louvre est tout dans la brume, ou alors j'ai trop bu. Quelques pas encore et hop, au lit. Quelle journée. Molière a récemment emménagé dans un immeuble rue Saint-Thomas. Il habite au troisième étage avec Armande. Le cinquième est occupé par des comédiens de la troupe. Madeleine vit au quatrième. Une chandelle brille sur les marches de l'escalier. Madeleine, tu m'attendais ? Je n'arrive pas à dormir. Je me suis occupée de la petite, Armande est si fatiguée. Lamoignon ne veut rien savoir, c'est ça ? Et j'en suis resté quoi ? Il m'a impressionné. Tu te rends compte ? Moi, Molière ? Je n'ai plus la force de me bagarrer, tu vois. Tartuffe m'a usé. Je me sens vieux. Allons. Si tu savais moins plaire, tu ne déplairais pas tant. Viens dans mes bras, mon vieux camarade. Tu te rappelles l'illustre théâtre ? Les dettes, les départs à la cloche de bois. Oh, Madeleine, je ne voudrais pas d'une autre vie. Défends Tartuffe, pour qu'on le joue encore dans 3 siècles. Je suis si là. Je vais quand même lui écrire. À 7h, mais à qui ? À Louis XIV. Quoi ? En pleine guerre ? Il fait le siège de Lille. C'est à Lille qu'il faut aller ? Lagrange ira. Il nous faut une autorisation de sa main. Ah, c'est comme ça. J'arrête d'écrire si les Tartuffes ont l'avantage. Tu ne vas pas écrire ça ? Si ! Et s'il a quelques considérations pour le plaisir qu'il prend à mes comédies, le roi me donnera raison contre eux. Sire, c'est une chose bien téméraire à moi que de venir importuner un grand monarque au milieu de ses glorieuses conquêtes. Mais dans l'état où je me vois... Où trouver une protection ? À présent, mon père, je voudrais prier en paix. Oui. Tartuffe est interdit. Je fais respecter les édits royaux, c'est tout. Président Lamoignon, quand le roi reviendra, vous savez bien qu'il va l'autoriser. Notre père, qui est une sauce. Il s'agit du bien de la nation. Président Lamoignon, ainsi on laissera cet abominable Molière nous ridiculiser ? Nous ! Que le sauveur a désigné pour guider la sanctification. Je ne peux plus. Écoutez, mon père. Un coup décisif va bientôt être frappé. Un coup décisif ? L'archevêque de Paris n'arrive pas à brider les jansénistes. Le désordre règne dans l'église. Alors quand il a su que Molière jouait Tartuffe, son sang n'a fait qu'un tour. Que va-t-il faire ? C'est imminent. Ne souffle les mots de ceci à personne. Le 11 août 1667, soit 5 jours après la défense faite par Lamoignon, l'archevêque, pour garantir l'interdiction, fait placarder sur les murs de Paris une ordonnance. Quiconque fera représenter en public, ou même lire en particulier, la comédie du Tartuffe, se mettra sous le coup d'une excommunication. Cette sanction irrévocable est la plus grave que l'Église puisse infliger. Molière, qui attend le retour de Lagrange et la réponse du roi à sa lettre, vient d'apprendre la nouvelle. Excommunié. C'est le coup de grâce. L'archevêque. C'est bien lui mon pire ennemi depuis le début. Excommunié pour une simple comédie. Jamais ça ne s'est vu. Le roi aura les mains liées pour des mois. Ah, c'est autre chose qu'une simple mesure de police. Excommunié, mais qui osera braver les foudres de l'Église pour me défendre ? Je ne m'en relèverai pas cette fois. Et Lagrange, qu'est-ce qu'il fait ? 10 jours qu'avec la Torrilière, il est parti à Lille porter ma lettre. C'est comédien. Bon. Il faut plus y penser. Je vais écrire. J'ai suivi le conseil de Madeleine. Je vais la faire à l'antique. Les amours de Jupiter et l'humeur conquérante. Amphitryon. Non, plus de douceur et plus de déférence. Ce revers vient à bout de toute ma constance. Et mon cœur ne respire en ce fatal moment. Et que fureur et que vengeance. Non. Je n'en peux plus. Comment écrire de la comédie au milieu de cette bourrasque ? Tartuffe me mine. Il me tuera. Allons. Eh oh, je suis là. Lagrange, enfin, alors, que dit le roi ? Donc, je suis arrivé le 8 août, ouais. 2 jours de cheval jusqu'à Lille. Là, j'ai attendu, on faisait la queue, tous venus de Paris avec nos courriers pour le roi. Si tu avais vu le campement, toutes ces tentes bien alignées. Oui, les tentes bien alignées, au fait. Eh bien, Sa Majesté me fait dire qu'à son retour à Paris, il fera examiner Tartuffe et que nous le jouerons. Il termine une lettre ? Non. Après quoi je suis revenu. Ce voyage aura coûté exactement 983 livres à la troupe. Jeté par la fenêtre. Bon, allez ! Laissez-moi travailler. Madeleine, qu'est-ce qu'il a ? Une catastrophe nous est tombée dessus. Une ordonnance de l'archevêque. Une menace d'excommunication. Quiconque prête l'oreille à Tartuffe. L'excommunication ? Seigneur, c'est une malédiction. Le coup l'a terrassé. Il écrit quand même, j'espère. Sinon, on met la clé sous la porte et la troupe sur le pavé. Il essaie, tu peux me croire, mais je n'ai jamais vu comme ça. L'excommunication, ça l'a achevé. Allez-vous cesser de chuchoter dans mon dos. Tête bleue, le théâtre, et éternel bouc émissaire des désordres de l'Église. Excommunié pour le Tartuffe. Qu'ils excommunient le théâtre aussi. Presque 2 années passent encore, durant lesquelles Molière, ayant toujours les faveurs du roi, donne Amphitryon, Georges Dandin, l'avare. Mais rien ne bouge pour Tartuffe, toujours sous le coup de l'interdiction de 1664. Molière n'y croit plus, Tartuffe est mort. Pourtant, le 2 février 1669, un événement va changer la donne. Louis XIV signe ce qu'on appelle la paix de l'Église. Un acte qui donne enfin au roi les coudées franches en matière religieuse. 2 jours plus tard, à Versailles, le roi annonce enfin à Molière la nouvelle qu'il n'attendait plus. Quelle joie! C'est la grande résurrection du Tartuffe. Me voilà réconcilié avec les dévots, avec l'archevêque, avec qui vous voulez. Oh. Versailles, la fête des plaisirs de l'île enchantée. C'est ici que tout avait commencé pour Tartuffe. On était jeunes et pleins d'allant. J'ai l'impression que c'était il y a 1000 ans. Je suis si fatigué. Mais heureux, enfin. J'ai tant voulu que le public le voie, et Paris le verra. Ah! L'entendre rire de Tartuffe. Voilà qui me rendra la jeunesse. Oh, il neige. Le médecin m'a promis de me faire vivre 30 ans. Je ne lui en demande pas tant. Je serais déjà très satisfait s'il ne me tue pas. Je suis bien aise d'avoir vécu jusqu'aujourd'hui. Demain, 5 février 1669, Tartuffe sera annoncé au théâtre du Palais Royal, en pleine semaine. Et la recette, c'est sûr, dépassera tout ce que Lagrange a jamais espéré. Ce sera un triomphe jusqu'à Pâques. Le rire seul fait les esprits éclairés. Je croyais que l'affaire de la comédie était de représenter agréablement les défauts des hommes de notre siècle pour faire rire les honnêtes gens. Tartuffe m'a appris qu'il ne suffit pas de divertir les hommes. La comédie se doit aussi de les corriger. Les plus beaux traits d'une sérieuse morale sont moins puissants que ceux d'une satire qui expose à la risée de tout le monde. On souffre aisément les réprimandes, mais on ne souffre point la raillerie. On veut bien être méchant, mais on ne veut point être ridicule. Dans toutes les comédies, les portraits railleurs qu'on fait, les caricatures plus forts que tous les censeurs, il y a l'éclat de rire. Molière et l'affaire du Tartuffe de Christine Spianti avec Molière, Guillaume Durieux, Lagrange, Malo de la Tulet, Madeleine Béjart, Constance Dolé, le père Roulé, Jérôme Quintard, le président Lamoignon, Gérard Cherki, bruitage Sophie Bissantz, prise de son montage et mixage Manon Houssin et Marie Lepeintre, assistante à la réalisation Roman Chiban, réalisation Cédric Aussire. Dans quelques minutes, on reprend la discussion sur Molière et l'affaire du Tartuffe avec mon invité Georges Forestier. Autant en emporte l'histoire sur France Inter. Dos contre dos dans des draps exquis, chambre sur rue embuée de whisky. Rien ne vaut ce lourd silence qui vient bercer mon imprudence. Tu m'as connu dans les bras d'un autre. Là, tu me connais au millimètre. La conscience peut m'embarrasser, mais je suis lâche. Je veux pas laisser ce regard bleu. Bleu de Karen Hahn sur France Inter, Autant en emporte l'histoire, réalisé par Lauriane Toulmont, assistée de Marie-Claire Matout, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Tiffany Battistel. Georges Forestier, quand aujourd'hui on va au théâtre voir Tartuffe, une pièce qui est très souvent jouée d'ailleurs en France ou à l'étranger, on oublie souvent par quelles affres Molière et sa pièce sont passées. Et d'ailleurs le texte qui est joué aujourd'hui, celui qu'on étudie au collège aussi, hein, de quelle version s'agit-il ? C'est la version que Molière a augmentée par rapport à la version primitive. On l'entend dans la fiction là qu'on vient d'écouter. Effectivement, entre le moment où la pièce est interdite, donc en mai 64, il se décide durant l'été, grâce au curé Rulé qui l'attaque, du coup c'est pas béni pour Molière d'être attaqué, hein, ça lui a permis de réagir justement, et donc il décide à ce moment-là de transformer la pièce. Eh ben, on sait pas à quel rythme il le fait, mais toujours est-il qu'en 67, L'Imposteur, c'est une pièce qui a 5 actes, alors que la version originale avait 3 actes. En gros, si on veut se faire une idée de ce que c'était, par rapport à la version que tout le monde connaît aujourd'hui, c'était l'acte 1, l'acte 3, et l'acte 4, jusqu'au moment où Tartuffe est chassé. C'est-à-dire, sauf quand Tartuffe, dans la version définitive, il dit « mais c'est à vous d'en sortir de la maison, puisque j'ai des papiers, etc. etc. » Donc voilà, ça finissait sur Tartuffe chassé. Et du coup, comme c'était un personnage qui était présenté comme un directeur de conscience, évidemment, ce directeur de conscience dévot qui est censé guider un dévot, le maître de la maison, et qui tombe amoureux de la femme du maître de la maison, et qui du coup, pour se rattraper, il tombe dans l'hypocrisie, ça a été jugé absolument insupportable par les courants rigoristes de l'Église, les dévots, et bien sûr l'archevêque de Paris. Et les textes qui manquent aujourd'hui, vous avez tenté, Georges Forestier, de les reconstituer, je crois. Oui, comment avez-vous procédé ? Mais c'est facile, si je puis dire. Parce que vous avez fait du Molière, c'est pas si facile que ça. Oui, oui, oui, non, j'ai fait une expérience passionnante. C'est-à-dire qu'en fait, comme j'ai, avec des collègues, j'ai dirigé l'édition de la Pléiade de Molière il y a 8 ans, et du coup, quand j'ai travaillé sur Tartuffe, je me suis intéressé aux sources de Molière. Il se trouve que parmi les sources, essentiellement, Molière se sert d'une histoire qui vient du Moyen-Âge, dans laquelle on a un homme pieux qui recueille chez lui un saint homme. Le saint homme tombe amoureux de la femme de l'homme pieux. Elle le repousse gentiment. Il rentre chez lui, il se mortifie, etc. Mais la passion est plus forte. Il revient une deuxième fois, puis il revient une troisième fois. Et là, elle le dénonce à son mari, qui refuse de la croire. Vous voyez, on retrouve exactement l'histoire de Molière, qui refuse de la croire. Et jusqu'au moment, elle lui tend un piège. Le mari, bon, voilà. Et donc, en fait, on sait donc quel était le schéma de base. Et ça, ce que je viens de raconter là, c'est exactement ce qu'on retrouve à l'acte 1, l'acte 3 et l'acte 4 du Tartuffe actuel. Donc, c'était assez facile. J'ai coupé des passages. Et donc, du coup, on sait même que ce pauvre Lagrange qu'on entend là, en fait, à l'origine, il ne jouait pas, puisqu'il joue, il a créé le rôle de Valère avec Marianne. Donc, en fait, Orgon, le père de famille, avait un fils. Donc, et c'est le mariage du fils que Tartuffe fait casser. Mais il n'y avait pas de fille et pas de futur gendre, en fait. Donc, du coup, la pièce était plus simple, plus courte, et beaucoup plus drôle aussi, parce qu'il n'y a pas le cinquième acte un peu ennuyeux, à vrai dire, avec l'envoyé du roi qui vient rétablir l'ordre, etc. Puis ce Tartuffe si méchant au cinquième acte, qui est un peu différent du Tartuffe du second acte. Donc vous voyez, il y a des choses comme ça qui sont tout à fait particulières. Alors comment expliquer, Georges Forestier, la réaction extrêmement violente de l'Église face à Tartuffe ? Pendant 5 ans, ça a été vraiment très très dur. Parce que, et ça, dans le pamphlet du curé Roulé, on le voit, parce qu'il reproche à Molière d'avoir commis un crime de lèse-majesté divine. Oui. Et s'être attaqué à ce qui est au cœur de la religion catholique, à savoir la direction de conscience. Il faut savoir que, en 1605, Saint François de Sales, enfin, il n'était pas encore saint, hein, mais François de Sales publie un livre qui s'appelle L'Introduction à la vie dévote. Et que dans les 4 premiers chapitres de l'introduction à la vie dévote, il explique la nécessité absolue de se faire guider par un directeur de conscience. Donc le fait de faire la satire de l'homme qui veut tellement être dévot qu'il s'en remet entièrement à un directeur de conscience, et du directeur de conscience qui devrait être parfait, mais qui évidemment est un homme, mais qui donc est susceptible de se laisser prendre par les attirances de la chair, etc., etc., et de la bonne chair, je voulais dire. Donc du coup, ça fait une merveilleuse satire, et cette satire-là de ce qui est théoriquement au cœur de la religion catholique et de ce que François de Sales a décrit comme l'acte fondamental de la dévotion, évidemment, ça a fait réagir et l'Église, et bien sûr les dévots. Le père Roulé, cette déclaration qu'il écrit, est extrêmement violente. Enfin, c'est hallucinant. Un démon vêtu de chair, pour parler de Molière, il l'appelle il dit qu'il mérite un supplice exemplaire et public. Le feu même, c'est un appel au meurtre, ni plus ni moins. Enfin, ouais. Difficile évidemment de pas penser aux attentats dont ont été victimes Charlie Hebdo, coupable de faire rire, et puis Bataclan, lieu de théâtre aussi. Enfin, Tout à fait. Je veux dire, ce qui est frappant, c'est que, alors même que les courants les plus rigoristes de l'Église qui cherchaient à régenter la société française, établir un ordre moral, il y avait une compagnie qui a été célèbre, qu'on appelle la Compagnie du Saint-Sacrement. Mazarin et Louis XIV l'avaient quasiment réduite à néant, et malgré tout, il y avait encore des gens qui cherchaient justement à instaurer cet ordre moral au nom de la dévotion, au nom de Dieu. C'est toujours au nom de Dieu qu'on cherche à instaurer des ordres moraux. En général, on préfère Dieu aux hommes. Voilà. Ce n'est pas nouveau quand même que le théâtre, la littérature s'attaque à la religion. Depuis le Moyen-Âge, il existe une tradition satirique anticléricale. Alors, la violence contre Tartuffe, est-ce qu'elle s'explique par l'audace de la pièce elle-même ou plus par le contexte religieux de l'époque? C'est le contexte en fait. C'est parce plus le contexte. Que si la pièce n'avait pas été interdite par le roi, pour des raisons qui sont bien présentées par la fiction, c'est-à-dire que Louis XIV venait juste de promulguer cet édit sur la signature du formulaire des propositions hérétiques par tous les ecclésiastiques de France. Et donc, le fait que d'un côté, il se présente comme le héros de l'orthodoxie catholique et que de l'autre, il applaudisse et rit à une pièce représentée à Versailles devant lui qui fait la satire du cœur de la religion catholique, l'archevêque de Paris a eu beau jeu de lui dire « Vous pouvez pas avoir un double visage. » Et donc, dans votre politique d'éradication du schisme, il faut absolument interdire. Et c'est de la politique. Oui, mais le talent de Molière y est certainement pour quelque chose aussi. Si le public est tellement impatient de voir cette pièce, ça veut dire aussi qu'elle est dangereuse parce qu'elle peut avoir une influence sur oui, ce public, justement. Il y a le parfum de l'interdit. Le fait qu'elle a été interdite, qu'on sait que Molière y a continué à travailler, qu'il l'a transformée, qu'il l'a changée, qu'il s'attaque aux hypocrites en général et non plus seulement aux directeurs de conscience. Les gens sont pressés de voir ce que c'est devenu. Par le biais du rire, est-ce qu'on peut dire que Molière invite aussi le public à réfléchir, à exercer son esprit critique sur l'expression de la foi? C'est ça qui peut faire peur aussi. C'est ça qui fait peur. Oui, mais ça, c'est ce que fait Molière depuis le début. À partir oui, du moment sauf que là, où, c'est un sujet religieux. Voilà, oui, mais déjà dans l'école des femmes, à partir du moment où il a pris une posture de faire rire des comportements de ses contemporains, et en particulier des comportements de ceux qui sont rejetés par ce qu'on appelait à l'époque la société galante, c'est-à-dire le beau monde adepte de l'honnêteté, comme on disait, de la simplicité des mœurs, de la simplicité en religion, du naturel, etc. À partir du moment où il écrit pour ce public-là, qui a en sainte horreur les gens conservateurs qui représentent l'ancien monde pour eux, c'est la raison pour laquelle Molière avait déjà, dans l'école des femmes, un an plus tôt, eh bien, qu'est-ce qu'il dénonce? De quoi se moque-t-il? Il dénonce la conception patriarcale du mariage, qui est celle qui est inscrite au cœur de l'Église et qui remonte à saint Paul, à savoir que la femme doit obéissance entière à son mari, qu'elle considère comme son maître, son Dieu, son père, etc. Et ça, c'est Molière s'était déjà attaqué à cet aspect-là. Mais il cherchait pas à faire réfléchir. En fait, je pense que Molière, il cherche à faire rire avec les sujets contemporains, sachant que en faisant rire de cette manière-là, on fait réfléchir. Bien sûr, c'est pas de la comédie gratuite, mais son invention géniale, c'est ça, c'est les comportements, montrer la société de son temps, faire rire des comportements, et à partir de là, évidemment, on réfléchit. Est-ce qu'on peut dire que Molière, d'une certaine manière, annonce l'esprit des Lumières du XVIIIe siècle en ayant confiance dans son public, dans son bon sens? Est-ce que c'est une chose très démocratique, finalement, dans sa démarche? Est-ce que les Lumières étaient démocratiques elles-mêmes? C'est oui, parce qu'elles vont donner naissance plus ou moins poursuivie par la Révolution française. Mais il y aura des choses démocratiques et d'autres qui le sont moins. Il se trouve que le courant de pensée à quel appartient Molière, qui était épicurien, et c'est pas pour rien qu'il a traduit le De Natura Rerum de Lucrèce. Il était épicurien et donc il appartenait à un courant de pensée qu'on appelait les libertins à l'époque. Libertin, ça veut pas dire libertin de mœurs, de sexe, ça veut dire le fait de refuser tous les dogmes, que ce soit en matière de morale ou de religion. Et donc, pour les passer au crible de la raison, c'est pas les refuser en soi, pour les passer. Alors, le fait de tout passer au crible de la raison, ces gens-là, Molière en particulier, mais il y en a d'autres, Cyrano de Bergerac, parlait de quelqu'un de célèbre, c'est l'annonce de ce qui va se passer au XVIIIe siècle. Merci beaucoup, Georges Forestier. Je conseille bien sûr la lecture passionnante de votre biographie de Molière chez Gallimard. Et c'est vous, vous l'avez dit, qui en 2010 aviez dirigé l'édition des œuvres complètes de Molière dans la Pléiade. Et je signale la diffusion prochainement, la date n'est pas encore fixée, sur France 2 d'un excellent téléfilm Brûlé Molière sur le même sujet. Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous partirons au XVIIIe siècle en compagnie d'un drôle d'oiseau, un certain d'Henri, alias Marquis de la Tude, emprisonné par lettre de cachet, célèbre pour ses évasions de la Bastille, au point que sous la Révolution, il deviendra un symbole des victimes de l'arbitraire et de l'absolutisme. La Tude, l'évadé de la Bastille, c'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire. Mais en attendant, juste après le flash, vous avez rendez-vous avec Édouard Baird, Lumière dans la nuit. Très bonne soirée sur France Inter.